gosse gris. Y'a beaucoup trop de bouteilles de gin vide et pas assez de produits insecticides. Y'a pas assez, mais beaucoup trop. C'est pas assez, beaucoup trop. C'est pas ce qu'il nous faut. De gens bavards, journalistes charognards, pas assez de curiosité. Le monde s'arrête à la télé, il est pas assez, on est beaucoup trop. Pas assez, il est beaucoup trop. C'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qu'il nous faut, on est pas assez. Beaucoup trop, c'est pas ce qu'il nous faut. On le sent partout, et pas assez de gens debout. Y'a beaucoup trop de contrôle douanier, et pas assez de ventes pour marcher. On le sent partout, pas assez de gens debout. Beaucoup trop de contrôle douanier et pas assez de ventes bon marché. N'est pas assez, n'est beaucoup trop, n'est pas assez. Bien ressassé, n'est beaucoup trop. C'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qu'il nous. C'est pas ce qu'il nous fait. C'est pas ce qu'il nous fait. Qui fait. This was a French song. Thanks, you're the best. You're the best. Please keep, please stay. Don't go away. He went away. Let's try something new. Surrender and I roll the dice, roll the dice. My crazy friend, please roll the dice properly. is still F minor on the radio. Radio OUV light. And I'm gonna change that. Would you help me? Unfortunately, I'm still in on 9. I'll try on 1, okay. It seems to work. Thank you. to be where you need to be strong. Love it. Shove it, bass. I know you're the kind of guy who like to make the shoe greater, you know. Oh, ladies and gentlemen, my dear friends, said NL, the real one is the guy. Jamwe, my man. You know, maman means literally mother in French. Maman. Maman. You my man. My man. I wanna jam with you. Thank you. oh my man. Belgium, it was so cold. I thought I had pee here. This moment. But it did the same. Time is so precious. We'll be right back. about the fear. Ladies and gentlemen, Seb NL on drum machine, and everything is the rhythm, is the groove. Is Mr. Panda, is the monk with the chips and the salsa, is the zoo, is the space, is the universe, is the salsa. When you're the monk, the salsa. When you're the monk, remember, is the salsa, is the one, is the monk, and the salsa is the chips. But is also the monk, is the salsa, is the number one. As the sub and then you got. Maybe you've met him, he's the salsa. That you are being twitched twice. is twitch twice. Twitch twice. Jam Daba ou sur Ninjam, dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Sur Jam Daba ou sur Ninjam. J'adore, tu gères, tu fais trop plaisir, tu fais vraiment trop plaisir. J'ai pensé tellement à toi. Alors, on t'entend pas, il faut que tu coches la case. T'es sur Ninjam ou t'es sur Jam Daba? On voit tous que t'es là, mais on t'entend pas. Dis-moi, dis-moi. Thank you. home when I burn my corny up. And I got excited, breathing out broken eyes. When I thought for me to call me down. All weather motion. And now, all weather motion. All weather motion, if you'd like. If you give me some upon. All weather motion, if you'd like. Hold me tight. Oh, me tight, oh, me strong. Oh, me tight. You're the fire cracker. You're the dream I never had. You're the fire cracker. You're the unknown that collides. You were in dream, my life. In a way I never expect. You were in dream. When I was in Belgium trip, I told you about my friend R.T. Ember at 272. I had a taste of the bowl. I had a taste of the skate park. And I, so young dudes getting real fast. There was a punk rock gig. Mettez sur Ninjam ou sur